On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord du côté des élites de Ville-Saguenay qui ont éliminé hier le collège Charlemagne. Hier, les élites l'ont emporté 2-1 pour remporter la série en 4 parties. Donc, à noter chez les élites que les buts ont été marqués par Marc-Olivier Tremblay et Marc-Antoine Gagné. Parlons toujours de hockey. Les Rapides d'Olbeau-Mistassini de la Ligue Bantam 2B ont vraiment une saison exceptionnelle. Ils trônent au 8e rang du classement à POC. Hier, en entrevue à danradiosport.com, l'instructeur-chef Luc Fortin nous a parlé des succès de l'équipe et il est quand même surpris de la saison de son équipe. Ouais, quand même, je te dirais qu'on s'en attendait. D'une année à l'autre, l'équipe, elle change tout le temps. Donc, pour avoir été là l'année dernière, cette année, je savais pas quoi m'attendre. Mais on décolle toujours de la même façon, Danny. On est là pour former des joueurs. On est là pour développer des joueurs. Donc, on y va au fur et à mesure. On s'établit un plan de match en décollant. On peut pas savoir non plus exactement ce que ça va nous donner. Les Rapides de Beaumont-Sessin, un bon mélange de vétérans et de jeunes. De bons groupes de joueurs à l'avant, là. Je te dirais, si, mettons, tu prends le prorata des premières années puis deuxième année, le pourcentage de première année est plus élevé à la défensive. Okay. Donc, c'était un beau défi pour nous cette année de développer ces jeunes-là, là, pour les amener à un niveau, là, ce qu'on voulait être d'ailleurs, puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec eux, là, une belle confiance, là. L'important, c'est... Il nous parle des objectifs d'ici la fin de l'année. De bons groupes de joueurs à l'avant, là... Je te dirais, si, mettons, tu prends le prorata des premières années puis deuxième année, le pourcentage de première année est plus élevé à la défensive. Okay. Donc, c'était un beau défi pour nous cette année de développer ces jeunes-là, là, pour les amener à un niveau, là, ce qu'on voulait être d'ailleurs. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec eux, là, une belle confiance. Là, l'important, c'est... Et dans un dernier temps, Luc Fortin nous parle des objectifs d'ici la fin de la saison de son équipe. Venir à ta question, notre objectif. L'objectif, c'est d'être prêt quand ça va arriver. Être prêt que tout le monde sache exactement ce qu'ils ont à faire. Puis vraiment, on le sent présentement, là, les jeunes arrivent dans les matchs. Les repères qu'on leur donne sur la glace, savoir quoi faire en telle situation, ben, c'est là-dessus qu'on focus présentement, avec une belle intensité et une éthique de travail, puis toujours dans le respect. Parlons de football maintenant. On sait que c'est la période maintenant pour les joueurs pour se commettre pour la prochaine année. Donc, des joueurs d'école secondaire qui choisissent leur niveau collégial. Et maintenant, c'est le cas de Raphaël Lamontagne de Dolbeau-Mistassini qui a choisi de s'aligner avec les Gaillards de Jonquière la saison prochaine. Et en entrevue hier sur les ondes de danradiosport.com, l'instructeur François Laberge parle de ce joueur de Dolbeau-Mistassini qui évolue à la position de carrière et également de receveur de passe. Oui, Raphaël, moi je le qualifierais même plus d'athlète. Nous, cette année, on sait qu'on a un carrière vétéran qui revient pour sa troisième saison. Puis un gars comme Raphaël, oui, on veut qu'il prenne des répétitions comme carrière derrière Anthony avec notre deuxième carrière aussi, qui est Raphaël Trottier. Mais on veut peut-être l'utiliser comme receveur de passe aussi parce qu'il y a beaucoup de qualités athlétiques. C'est un gars qui a des bonnes mains, une bonne vision du jeu, connaît bien les systèmes aussi. À Saint-Félicien, jouait comme carrière, jouait comme demi-défensif aussi. Donc, on veut être capable de mettre son talent à contribution dès son année numéro 1. Donc, c'est pour ça qu'on veut peut-être l'utiliser aux 2 positions. Le recrutement n'est pas nécessairement terminé du côté des Gaillards de Jonquière. Ben écoute, on est présentement à peu près à 48-50 joueurs, là, dépendamment. On va monter ça à 55 joueurs, donc on est en train de finaliser ça. On a plus de demandes qu'on a de postes à combler, donc on choisit nos pièces tranquillement, pas vite, d'ici la fin du recrutement. Parler de tir à l'arc, il y avait une compétition qui se déroulait à Saint-Félicien au cours de la fin de semaine, et je vais vous donner quelques résultats qu'on a dans la catégorie maître-femme à poulie. Diane Saint-Gelais de Saint-Félicien a terminé en deuxième place avec un pointage de 506. Senior homme Arcapouli a noté que Jimmy Dufour de Saint-Félicien a terminé avec un pointage de 553. Danny Simard de Jonquière, 548. Benjamin Arcapouli, Matisse Dufour de Saint-Félicien, pointage de 554. Maintenant, junior féminin Sabrina Grondin a terminé avec un pointage de 547. Et il y avait un tournoi du Cashfield qui se déroulait à Saint-Félicien au cours de la fin de semaine. On parle évidemment de curling. Et la formation de Robert Desjardins, Véronique Bouchard, Nicolas Desjardins, et Amélie Blais ont remporté une victoire de 5-2 sur la formation de François Genin. Donc, l'équipe qui pourrait se retrouver au championnat provincial de curling mix. Et je termine avec Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui est en compétition, ou qui a tenté plutôt de se qualifier pour un tournoi qui se déroulait en Floride. Et Pierre-Alexandre Bédard n'a pas réussi à se qualifier. Seulement 6 golfeurs sur 90 pouvaient passer à la ronde suivante. Donc, au cours de la prochaine semaine, Pierre-Alexandre Bédard va jouer un tournoi en équipe avec Max Gilbert, donc jeudi et vendredi. Je vais vite écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis donné avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. Luc Fortin vient nous parler des Rapides de Boom Sessing, qui connaissent une saison exceptionnelle. Et également, je me suis retourné avec Jonathan Malo des Capitales de Québec, qui a été sélectionné pour participer à la Classique mondiale de baseball qui débute bientôt. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.